fais que des reproches. Bah ouais, mais la dernière fois, j'ai trouvé des capotes dans tes poches. Mais si tu t'es inquiété, est-ce parce que tu repousses mes approches? Attends, attends une seconde, essayons de remettre les choses dans leur contexte. Je ne suis ni ton migrant, ni ta femme de ménage, ni qui sait que pour le sexe. Tu me fais un dégoûté, on pourrait croire que t'es malheureuse. Ta mère aurait dû me dire que tu n'étais qu'une petite fille capricieuse. Alors il est temps pour moi de te dire bye bye. Il serait temps que tu t'en ailles, bye. Ma patience n'est pas sans faille. Notre amour n'était pas de tu t'en